Ouais, au juge demande la peine maximum. Objection. Il a violé très nos lois. Objection. Il a souillé la France de par son arrogance. Objection. Il y a les lois de Dieu, mais celles de l'homme doivent être respectées. Mon client est-il accusé? Votre honneur, de quel droit mon client aurait-il abusé? Il n'a fait que signaler la réalité d'un monde que quiconque pourrait observer signaler. Autrement de cause, aveugle de voix, ni au nom entendant d'entendre. La violence est si tentante qu'un jeune peut finir en cendre. L'impact de ses mots agit sur les non-leftos. Voulez-vous faire croire que le soleil prie pas dans le ghetto? Comment leur reprocher d'être réfractaire après toutes ces phrases dures? Votre honneur, après toutes ces fractures qui font que les mauvaises phases durent et concluent une existence de mauvaise facture. On est tous sur ces lettres. Résumé qu'on parle à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au loi, face au roi. On est tous sur ces lettres. Résumé qu'on parle à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au roi, face au loi. Messieurs, la cour, affaire 5523. Les chefs d'accusation sont outrage envers les textes en vigueur, refus d'appliquer les règles établies. Ça y est, je me remets à cogiter des choses et d'autres, et mon stylo glisse sur ma feuille blanche. On n'en finit plus de déplater, élaborer de nouvelles sciences, collaborer à nouveaux sciences en travaux très pourtant rien ne change. Étrange façon de justifier nos débordements que de parler d'une quête d'ornement. Or, c'est de notre rendement qu'il s'agit là. Regarde, l'envie nous fragilise, mon tragédie. Toi, ton jeune, je veux pas laisser parfois mon ego, d'autres négo. C'est mon seul bien de liberté. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers. Dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au loi, face au roi. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers. Dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au roi, face au loi. Acte de violence à outrance, crime et délit d'initié et méfait. À mes yeux, vous êtes suspect. La cour examine les faits avec justesse pour la justice et ne cesse d'exercer ses droits. La loi est la loi, elle est fondée sur des textes clairs auxquels les hommes croient. J'en suis le gardien, le juge, avec préjugé, la parole est au juré. Hier on brûlait les livres, emprisonnait les savants, cavant nos esprits d'histoire, où l'on voulait nous faire croire que ce qu'on ne connaissait pas était forcément mauvais. Pour les esprits non avertis, aujourd'hui j'avertis qu'il faut qu'on s'oppose à ce qui a été la cause de nombreuses déceptions. Pour ne pas dire douleur, je ne prononcerai pas de condamnation et m'engage pour l'heure à faire que le droit redevienne propriété du peuple. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au loi, face au roi. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au roi, face au loi. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au loi, face au roi. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au roi, face au loi. On est tous sur ces lettres. On est tous sur ces lettres. Présumé coupable à tort et à travers, dépendant d'un seul être, on donne nos objections face au roi, face au loi.